vivant dans le mensonge, nous serons plus guéris. Vivant dans le mensonge, nous serons plus guéris. Dans le mensonge, nous serons plus guéris. Vivant dans le mensonge, nous serons plus guéris. Avec toi, j'aime quand tu me parles. Tu es trop heureuse d'être avec moi. Tu aimes quand je te parle. On ment même quand ça ne sert à rien. On ment aux arbres et aux herbes hautes. On ment et on y croit. On ment et on y croit. C'est la joie. Vivons dans le mensonge, nous serons plus gais. Vivons dans le mensonge, nous serons plus gais. La vérité est trop moche, tout est triqué dans nos poches. Il faut l'assaisonner, plus la peine de raisonner. On ment même quand ça ne sert à rien. On ment au mannequin des magasins. On vit dans la vie qu'on veut. On vit dans la vie qu'on veut. Et vous alors? Quand on danse, j'ai peur que tu me lâches. Tu as peur que je te pousse. On ment même quand ça ne sert à rien.